Mais là, la troupe apprend que la piste suivie jusque-là n'est pas celle du capitaine Grant. Il n'y avait donc plus qu'un parti à prendre. Rejoindre sans tarder le Duncan au rendez-vous assigné de la pointe du Médano. Après s'être réfugié sur un embout, un arbre gigantesque, pour échapper à une inondation, la troupe se trouve à 60 km de l'Atlantique. Si les eaux se retiraient, le Duncan, avant 3 jours, reverrait les voyageurs à son bord. Mais Harry Grant, ses 2 matelots, ses malheureux naufragés ne seraient pas avec eux. Il semblait même, après cet insuccès, après cette inutile traversée de l'Amérique, que tout espoir de les retrouver était irrémédiablement perdu. Et pourtant, dit Glenarvan, ce 36e degré de latitude n'est pas un vain chiffre. Or, dit Mac Nap, parce que nous avons un chiffre indiscutable, il faut épuiser jusqu'au bout tous ces enseignements. À votre avis, que reste-t-il à faire? Une chose très simple et très logique, mon cher Edouard. Mettons le cap à l'est quand nous serons à bord du Duncan et suivons jusqu'à notre point de départ, s'il le faut, ce 37e parallèle. Mais quelle chance avons-nous de réussir? Quitter le continent américain, n'est-ce pas s'éloigner de l'endroit indiqué par Harry Grant lui-même, de cette Patagonie si clairement nommée dans le document? Paganel dégringolait de branche en branche. « Nous nous sommes trompés, dit-il. Nous cherchons le capitaine où il n'est pas. Non seulement où il n'est pas, mais encore où il n'a jamais été. »